mon satellite, près des yeux au beurre noir. Les bouches pleines de bactéries, un mode de vie pas terrible. Sale tension artérielle, la capuche dans les nuages, mange pour le rap par derrière. On s'arrange par période, j'veux un train de vie impérial. Un texte dans le jean, dans le vide, avec un périlleux. Un air de branleur et le sourire du joker. Une attitude de flambeur, un porte-monnaie de polonais. Ouais, c'est le son des baroteurs, des garrotés. Au sale caractère, carotte. J'ai un carotté, sinon c'est pas la peine. Ça me fait pas de pour mon cœur. On a fait nos preuves, rapport du monstre. Sans des baroteurs, des garrotés. Au sale caractère, carotte. J'ai un carotté, sinon c'est pas la peine. Ça me fait pas de pour mon cœur. On a fait nos preuves, rapport du monstre. Ma merde abrège, écarte ta bête quand tu me contrôles. Les sirènes cassent les couilles. Ma le temps presse et mes nerfs chauffent. Les horaires d'une chauve-souris. Ma mère pète un cap soupir. Argue le précipice. La Hollande dans le jeep, les flammes dans ma rétine. Dans ma fosse commune, c'est l'avalanche sous les pifs. L'eau vaut mal dit dans les carrés. Et les gravures sur les fils. Manji les griffes sur la poitrine. Toujours des preuves tangibles. Que de l'arrogance dans le sourire, tu trouveras rien sous mon lit. Marécage, gravé sur ton mur. À l'entrée des Chines, ça dégénère. Quand t'as du bif, faut des barres de shit. Allô, j'ai des kilos à vendre pour le 1er avril. J'ai pas écrit grand chose, j'ai pas demandé ton avis. J'ai fucké la bêtise, la ludothèque aux oubliettes. J'ai galopé pour m'en sortir. J'ai pris un taf pour des billets. Ce que j'aime pas, c'est quand tu parles et que je m'en bats les couilles. J'suis dans mon monde, dans ma sphère. Je vous emmerde, barrez-vous. Ouais, c'est le son des baroteurs, des garrotés. Au sale caractère, carotte. J'ai un carotté, sinon c'est pas la peine. Ça te fait pas de pour mon cœur. On a fait nos preuves, rapport du monstre. Ce sont des baroteurs, des garrotés. Au sale caractère, carotte. J'ai un carotté, sinon c'est pas la peine. Ça te fait pas de pour mon cœur. On a fait nos preuves, rapport du monstre.